Alors voilà, c'est la fin de l'album et on aimerait remercier certaines personnes qui nous ont soutenus depuis le début. Alors pour commencer, Brother Vibes remercie Agathe et toutes ses copines du Sud. Un gros big up à vous, merci le Sud, ça gère. À Joe, parce que depuis le début il nous soutient, il arrive toujours au concert, il nous dit de continuer, voilà, c'est ce qui nous motive. À tous nos potes de Champagny, représente la Savoie, le 73, Champagny en force, yes. Et surtout un gros big up à Manu parce qu'il nous a fait un redeem chamé, un pur truc, et voilà, et ce gars c'est un très très bon chanteur, un très bon compositeur. Un big up à Tom aussi, parce que voilà, des gars comme ça, il y en a pas beaucoup. À David du Pitchoun qui nous a permis de faire notre premier concert dans un bar, et voilà, ça fait vraiment plaisir que des gens nous acceptent de nous recevoir comme ça. À l'Office du Tourisme aussi pour nous avoir fait jouer à la première partie de Jamaïque et Datune. Ça c'était vraiment méchant, ça faisait un peu peur, mais voilà, ça fait plaisir. Un gros big up aussi à Sissou et Max parce que vraiment les gars, merci pour tout, toujours pour nous aider pour le matos, pour venir quand on bouge et tout pour nos concerts, enfin vraiment un gros merci. À Jolan aussi qui nous a permis de faire une pure soirée chez lui, merci Jolan. Un grand big up aussi à Pilou parce que voilà, c'est notre poteau, c'est notre frère et ça fait toujours autant plaisir quand il nous soutient. À DJ Nayo, yes. Ok, ça c'est avec des gars comme ça qui ont pu faire avancer le son. Vraiment un gros big up aussi. Aux deux Julie, à nos deux Julie préférées, à Du et Lil Du. À Dudu aussi, pote depuis déjà bien long time. À Roots Lion Eye. Et Aya et Giggs, surtout Giggs parce que voilà, c'est une grande source d'inspiration, c'est quelqu'un de toujours positif, qui donne que des bonnes vibes positives. À ma petite Camille aussi du Sud, voilà, big up, ça c'est spécial Mista Mati. À Clémence, à ma famille parce que voilà, la famille aussi c'est le plus important et je crois que de ce côté-là, voilà, ça fait plaisir de voir que la famille te soutient et tout, donc vraiment un gros big up à eux. À Clémence aussi au passage. À Gallo, à tous ceux du lycée de Moutier qui nous écoutent et voilà, qui aiment notre son, ça fait vraiment plaisir, vraiment bless à vous tous. Et voilà, cet album il a été fait 100% autoproduction, voilà, c'est Broda Vibes avec Kibai, l'original Mista Mati. Et voilà, on a tout monté nous-mêmes, tout ce qui est studio, enregistrement de A à Z, c'est tout nous qui avons tout fait, composition, hormis les riddim, mais voilà, donc on espère continuer encore pendant longtemps. Parce que la musique c'est notre vie et voilà, on restera toujours des frères de sang, toi-même tu sais. Et... Oh, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Yes. Donc big up à tous ceux que Mista Mati vient de dire. On remercie aussi Margot qui nous a soutenus du début jusqu'à maintenant, donc on t'embrasse très fort. Merci à Gasper d'avoir fait un feat avec nous, un bon rappeur qui vient de la Bretagne. Big up la Bretagne. Merci à Gaël de nous avoir permis de jouer dans ton bar la timbale, c'est super cool. Un petit clin d'œil à Moira, je t'avais promis une petite dédicace. Merci à Deville, Mélanie, Amélie de nous soutenir. Big up Lil Tifaya avec qui on a chanté et qui sont venus enregistrer dans notre studio le BVS Record. C'était une bonne soirée. Merci à tous ceux qui nous ont donné l'opportunité de chanter dans leur soirée et de passer notre son. Grâce à vous, on se fait connaître et c'est grâce à vous qu'on tourne. Donc merci. Big up à iWalk Sound ainsi qu'à SK93, des gars des Arcs qui chantent aussi en son système et qui sont vraiment cool, donc si vous connaissez pas, allez écouter. Merci à Axel de Pralo. Merci à Julie, Alice et Margot Catelin, donc on pense à vous, on vous embrasse. Merci surtout à Leila et Flora, chez qui on a passé une super soirée, c'était vraiment énorme. Merci aux jumeaux de Grenoble qui font passer notre son sur la scène grenobloise. Ça c'est vraiment sympa, donc ça élargit un peu notre... Comment dire ? J'en sais rien, mais en fait ça élargit. Merci à Maxime Cardi, à Charlie de Courchevel. Merci aussi à ceux qui nous critiquent, parce qu'on progresse grâce à vos critiques. Je remercie aussi mon père et ma mère, c'est grâce à vous qu'on a le studio, donc je vous embrasse, merci à vous. Donc voilà, c'est juste nous, Mati Kibai, deux mecs de la Savoie. On chante, on s'enregistre. Donc ça, c'est notre premier album, Frères de Sand. Et on va pas s'arrêter là, non, on va continuer. Donc, attendez la suite. Vas-y. Merci Jésus, merci Jésus, merci, merci, merci Jésus. On a fini, on a fini la vie. Ouais. Toi. Bon, voilà. Je sais pas quoi dire finalement. Tu s'en fous. Merci Jésus. On a marqué. On a fait quoi, un album Ragga Dance Soul. Alors Ragga Dance Soul, balmusette quoi. J'ai envie de dire. Je vais changer de style, Matt. Tu vas faire quoi? Je vais me mettre à Céline Dion. C'est à dire? Bah vas-y, je te montre, fais-moi de l'effet. Tu veux de l'effet, tiens, voilà. T'es prêt? Ouais, vas-y. On coule. C'est le Brodavice qui coule, c'est le Brodavice qui coule, c'est le craquage du Brodavice. Sinon, bonne musette. Donc voilà, donc ceux qui écouteraient ça, bah non, ça nous arrive des fais fois. Un petit freestyle. C'est un freestyle quoi, voilà. Quoi. Petit freestyle, je sais pas moi, genre Jean-Paul Gaultier. Non, ça c'est pas un chanteur. Jean-Paul Pone. Ah non. Fais-nous un petit freestyle Disney Channel. Ah ouais, fais-nous un petit freestyle genre Kevin. Ouais voilà. Oh salut, je m'appelle Kevin et je m'apprête à chanter. Ouais, Gaultier Soul, c'est ça qui est bon. Comment ça va, pointe la pile? Ah là là, ça doit être une torture d'écouter ça, mais c'est pas grave. C'est pas frère grave. De Sound, quelle idée d'appeler l'album Frère de Sound. Je ne sais pas. Frère de rien du tout d'ailleurs, puisque au final, ouais. Final c'est... C'est de la merde. Bah ouais. Je sais même pas pourquoi on fait de la musique. Je me demande aussi, donc voilà. Petit message, on recrute de nouveaux chanteurs. De nouveaux chanteurs pour Brodavice, pour replacer les anciens. En fait, on est plutôt quoi, blond, châtain clair. Les deux blonds, hein, avec les yeux bleus, avec les yeux verts. Ouais, et il nous en faudrait un barbu aussi. Plutôt moche en fait. Ouais, moche ouais. Parce que du coup, enfin, pour pas qu'il soit plus beau que nous. Ouais, enfin voilà. Enfin, ça va être dur de trouver plus moche. Enfin, faut vraiment faire gros là en fait. Attends, je baisse. J'ai tout pété le micro. Bon, donc voilà. Et... T'as pas une blague? Si, j'ai une blague. Alors, c'est un mec. Il voit un trou. Oh non, pas il voit un trou. Et en fait. Tous ceux qui ont déjà entendu cette blague. Et en fait, attendez. Il voit le trou, il est en camion et il décide de le ramener chez lui. Du coup, il accroche le trou à son camion, il roule. Et... ta gueule. Et je la finis, moi, sinon. La la la la la. Et en fait, il roule et il se rend compte qu'il voit plus le trou. Alors, du coup, il s'arrête, il fait une marche arrière pour se garer et il tombe dedans. Applause. Là c'est là que t'as les mecs derrière avec un panneau qui écrivent applause. Applaudissez. Merci Jésus. Merci le roi Enoch. Ah le roi Enoch, et ouais. Ah ouais, big up à Tom, on l'a déjà dit, mais le roi Enoch, vraiment, si jamais vous avez l'occasion d'aller écouter... Ouais, c'est le roi Enoch. Putneg. Tintin. Tintin, quoi. Grave. Eh, les mâles, rien de bandage pour toi. Ah, l'or diamant aussi. Là, l'or diamant, sur le mic, calmement posé, lé. Eh, Rootboy, c'est rien de la bonne vibration, toi-même tu connais. Ah, ici c'est le bon avis en direct du BVS Studio avec Kiba et l'original Mr. Mati, on sait, on parle un petit peu rapidement, mais c'est pas grave, c'est bon massif. Arrête-toi! Alors, give me le mic! Arrête! Give me le mic! Oh putain, j'ai même pas.